13e section de l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, par le baron de Lempezé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 10e et dernière leçon. Sainte Pélagie. Aveux tardifs. Itinéraire. Connaissance des lieux. Portraits divers. Nouveau régime à suivre. Les visiteurs. Consolation. Dernière réflexion. Malheureux consommateur, c'est en vain que mon oncle a cherché à vous le dissimuler. Mais moi, je vous l'avoue, vous courez toujours le risque de finir par là. Dès qu'un débiteur est en prison, s'il ne peut pas payer et que son créancier soit devenu son ennemi, ainsi que cela arrive presque toujours, il faut qu'il se résigne à y passer 5 mortelles années. Les seules chances qu'il lui reste pour en sortir sont les secours du comité de bienfaisance ou l'oubli de la part du « producteur » de verser d'avance le montant des aliments auxquels a droit le consommateur. Dans ce cas, une heure de retard lui rend la liberté. Mais en attendant, il n'en faut pas moins aller en prison, et je vais me charger du soin de vous en montrer le chemin. Car mon oncle, ne s'étant jamais mis dans le cas de le parcourir, serait fort embarrassé pour vous l'indiquer lui-même. Apercevez-vous, dans cette ruelle presque déserte, qu'on nomme « la rue de la clé », que l'on prononce « clé », même devant une voyelle, à ce que nous apprend le dictionnaire de l'Académie, ce grand bâtiment entouré de hautes murailles, de bornes enchaînées, et dont la façade semble n'être qu'à moitié sortie des antres de la terre. Voyez-vous ce corps de garde, cette guérite et ce factionnaire? Distinguez-vous cette porte, haute de 4 pieds, avec un Judas de 8 pouces carrés? Frappez 2 coups, baissez la tête et courbez-vous de manière à ce que vos jambes et votre corps ne fassent qu'un angle droit. On vous a ouvert. Vous pouvez entrer. Maintenant, vous voilà dans cet ancien couvent, réparé et mis à neuf aujourd'hui, qui servait d'asile à des nonnes timides et qui sert aujourd'hui de prison aux consommateurs de toute classe qui, ne connaissant pas la méthode de mon oncle, ont, pour payer leurs dettes, souscrit une ou plusieurs lettres de change qu'ils n'ont pas acquittées, ou bien encore à des gens distraits qui ont contracté l'habitude de prendre dans la poche de leurs voisins ce qu'ils ont probablement oublié de mettre dans la leur. Ce seuil que vous venez de franchir vous a séparé du séjour des allants et venants. Au milieu de Paris, vous êtes presque dans l'autre monde. Ce grand Cerbère de 6 pieds 2 pouces, cette espèce d'homme gris dont la main qui ferait envie aux plus braves des claqueurs de nos théâtres royaux, semble être identifié avec cette clé énorme qu'on prendrait pour la masse d'armes d'un évêque du XIIe siècle, a deviné que vous étiez un consommateur qui veniez de passer bail avec un des producteurs ordinaires de l'endroit. Dès ce moment, votre signalement est gravé dans sa mémoire, et ce n'est qu'après 5 ans révolus qu'il lui est permis de vous effacer de son souvenir. Nouvelle Hartentirkoff, il est incorruptible. Rien ne l'émeut, rien ne saurait l'attendrir. Il ouvre et ferme la susdite porte avec la même impassibilité, tant à l'infortune qu'à la beauté qui va la consoler quelquefois. Jamais il ne sourit, si ce n'est lorsqu'il voit passer sous ses yeux un panier de chambertin ou de mercuré. Ah, s'il pouvait le confisquer à son profit! Mais je ne dois pas m'arrêter avec vous aux bagatelles de la porte, et vais vous conduire tout droit au greffe. Il est placé à l'extrémité droite du petit corridor où vous êtes. Vous vous présentez à un modeste employé, à cheveux blancs et culottes courtes, assez bon enfant, mais à califourchon sur les ordonnances émanées de monsieur le préfet de police. Vous voilà enregistré, et dès ce moment, vous pouvez vous considérer comme un des commensaux de l'établissement. Cependant, lorsque le consommateur locataire a des principes, les convenances exigent qu'avant de passer outre, il fasse une courte visite au maître de la maison. Il se tient ordinairement dans une pièce de fond voisine avec 2 greffiers qui lui servent d'aide de camp. Vous serez étonné de l'amabilité de ses formes, de la politesse de ses manières. C'est le type de monsieur jovial. Quoique ne vivant qu'entouré de chiens, de gardiens et de tristes murailles, qu'il sache l'argot mieux que l'auteur qui vient de publier un ouvrage important sur cette langue mère des voleurs et escrocs, échappés des bagnes et autres fashionables de la même trempe, comme l'auteur du dictionnaire dont nous parlons, monsieur le greffier concierge de Sainte-Pélagie, car tel est son titre officiel, ne s'en exprime pas moins d'une manière très distinguée, ce qui prouve que Sainte-Pélagie ne renferme pas que des gens mal élevés. Vous ferez bien de faire sa connaissance, d'autant plus qu'il est souverain absolu dans l'intérieur du gouvernement qui lui est confié, et que ses actes et jugements sont sans appel. après avoir rendu vos hommages respectueux au maître de la maison, vous revenez tant soit peu sur vos pas, afin de traverser le chemin de ronde et pénétrer dans l'hôtel. Vous vous trouvez en face de deux portes. Celle de droite est la porte qui aboutit à la détention pour opinion politique ou opinion de poche. Ce n'est pas celle-là, mais c'est celle qui est à gauche et qui aboutit à la dette. Vous frappez, on vous ouvre. Vous exhibez votre écrou, et cette fois-ci, vous êtes dedans. Un député, note M. Bazre, a dit à la Tribune nationale que le sort des détenus pour dette n'était pas aussi à plaindre qu'on le publiait, puisqu'il donnait tous les jours des fêtes et des dîners. Cette assertion peut avoir quelque chose de vrai, quoique manquant entièrement de générosité de la part de celui qui l'avait émise. Je sais qu'on trouve à Sainte-Pélagie quelques consommateurs aisés qui cherchent à s'étourdir à table avec d'autres consommateurs, leurs amis qui viennent les voir. Mais la masse des dettiers est dans la plus grande misère, et plusieurs périraient sans le secours de leurs compagnons d'infortune. Ce que je dis là est exact, et plus d'un de mes lecteurs serait à même d'en juger bientôt s'il n'avait déjà mis en pratique les théories variées enseignées par mon oncle. La loi oblige le créancier incarcérateur à avancer au débiteur incarcéré une somme de 20 francs par mois. Sur cette avance, le consommateur doit d'abord payer le loyer de son lit et de son ameublement. Quelque modeste qu'il soit, il lui coûte la moitié de ce qu'il reçoit par mois, 10 francs, ces prix faits comme pour les petits pâtés. Il lui reste donc 10 francs pour se nourrir. Or, 10 francs ou 1000 centimes à partager en 30 jours, terme moyen, font bien 33 centimes 2 tiers par jour, ou 6 sols et 2 liards à peu près, avec lesquels il est tenu de faire 2 repas par jour. Reste 10 centimes par mois, ou 24 sols par an, pour s'habiller, se blanchir, se chauffer, jouer, lire, donner des étrennes, etc., etc. Certes, ce n'est pas trop, et je doute qu'un économiste, serait-il de la même trempe que celle dont était mon oncle sur la fin de sa carrière, pût jamais faire honneur à ses affaires sans même payer ses dettes, avec un semblable revenu. Monsieur le ministre de l'Intérieur vient, il est vrai, au secours des dettiers pauvres, en leur faisant distribuer ce qu'on appelle la pitance, c'est-à-dire une écuelle de bouillon maigre et quelques légumes secs, remplacés les jeudis, dimanches et fêtes chômées, par un bouillon appelé gras et une petite portion de vache à laquelle on est convenu d'appliquer la qualification masculine. Lorsque le consommateur pauvre a une famille, et que cette famille se trouve dans l'abandon, il faut encore qu'il partage le peu qu'on lui donne avec sa femme et ses enfants. Quel tableau que celui d'un malheureux privé de sa liberté qui n'a devant lui, le jour de Pâques ou de Noël, que la pitance et qui voit arriver sa femme et ses enfants affamés. Mon oncle, qui n'a jamais connu ses enfants, parce qu'on ne lui a jamais connu de femme, bien qu'il n'ait mis de sa vie le pied à Sainte-Pélagie, par superstition, n'en a pas moins laissé un tableau frappant des misères qui s'y engendrent, tout en raisonnant par analogie. Cependant, il faut le dire, cet état de souffrance n'est pas tout à fait général. Les consommateurs dettiers trouvent à Sainte-Pélagie une table d'hôte et 3 ou 4 restaurants, fréquentés par la classe aisée et qui, chose étonnante, ne font pas moins de crédit que les restaurateurs les plus aisés de la capitale. Ceci vient sans doute à l'appui de l'assertion de mon oncle « Quiconque ne fait pas de crédit doit infailliblement faire banqueroute. » Quant à moi, il me semble que s'il est au monde un restaurateur qui ne doive pas faire de crédit, ce doit être celui de Sainte-Pélagie. Eh bien, c'est tout le contraire. On trouve encore dans cette douce retraite des cafés tabagies, un billard, un cercle où l'on joue la bouillotte et à l'écarté, et un cabinet de lecture où on lit tous les journaux, excepté le Moniteur, la Gazette de France, la Quotidienne. On ne lisait pas davantage le Journal de Paris, l'Étoile et le Pilote, lorsqu'ils étaient encore de ce monde. L'intérieur de Sainte-Pélagie ressemble à un caravansérail, reçoit des hommes de tous les pays et de toutes les professions. On y compte toujours 20 officiers, parmi lesquels se trouvent une demi-douzaine de colonels et un lieutenant général. Les marquis, les comtes, les barons et les chevaliers s'y trouvent toujours en grand nombre. On y voit même de temps en temps des abbés. Le reste de la population se compose d'hommes de lettres, de musiciens, de peintres, d'ouvriers, de restaurateurs, de porteurs d'eau, de tailleurs et de voleurs de toutes les classes. Ce qui est le plus rare à Sainte-Pélagie, c'est un négociant ou un gendarme. Comme il y entre journellement de 75 à 150 visiteurs par jour, terme moyen 100, et que ces visiteurs ne viennent pas pour être à la charge des consommateurs dettiers, les restaurateurs et les cafés y gagnent quelque chose. Sans ces puissants auxiliaires étrangers, il est probable que la plupart de ces établissements ne pourrait tenir longtemps, car, en général, les consommateurs à poste fixe consomment peu et ne payent pas du tout. Aussi, les restaurateurs et les cafés n'y sont-ils pas fameux. Les habitués semblent posséder toutes les pratiques enseignées par mon oncle, sans en pratiquer la théorie raisonnée. C'est un grand service que rendra son ouvrage à ceux qui ne sont pas encore allés à Sainte-Pélagie et à ceux qui en sont sortis. Lorsque l'on veut aller visiter un malheureux consommateur dettier à Sainte-Pélagie, il ne suffit pas de se présenter à la préfecture de police et d'y demander une permission. Il faut préalablement se munir d'une autorisation par écrit émanée du dettier que l'on veut voir. Ce n'est que sur cette autorisation, dûment visée au greffe de l'établissement par le respectable employé dont j'ai parlé au commencement de cette leçon, que messieurs de la préfecture de police délivrent la dite permission. Cette mesure, qui paraîtra au premier abord une entrave à la liberté de ceux qui sont en prison, est non seulement nécessaire, mais encore toute philanthropique. Sans elle, les malheureux consommateurs débiteurs seraient journellement harcelés par leurs créanciers producteurs, quoique les premiers fussent sous les verrous. Ce mode de communication établi laisse aussi aux détenus la faculté de ne recevoir dans sa prison que les individus qui peuvent adoucir l'ennui de sa captivité. Quant aux créanciers, ils n'ont d'autre moyen de voir leurs débiteurs qu'en les faisant appeler au greffe, où ils sont même libres de ne point se rendre, s'ils soupçonnent que celui qui vient les tracasser ne voudra, en aucune façon, entrer en arrangement en suivant la méthode du professeur. Au surplus, il n'existe à Sainte-Pélagie, comme dans la vie, que deux grandes époques, l'entrée et la sortie. Les premiers jours de l'une, comme les premières années de l'autre, paraissent interminables. Mais lorsque vous êtes arrivé à un certain période, ils se précipitent avec une vitesse extrême. La dernière semaine de la prison, comme la dernière saison de la vie, s'écoule rapidement et ne laisse dans la mémoire que des traces fugitives. Alors on ne compte pas plus les jours que le vieillard ne compte les années. Je voudrais qu'on m'expliquât clairement ce phénomène. Il est prouvé d'ailleurs que les grands espaces nuisent au bonheur. En toutes choses, on a besoin de voir et de sentir des limites. Milton ne travaillait à son Éden que dans une cave. Rousseau écrivit ses plus belles pages dans un grenier. Cervantes fit son chef-d'œuvre dans un cachot. Et mon oncle composa ce savant traité à l'hôpital. Mais que sont Milton, Rousseau, Cervantes et une quantité d'autres que je pourrais facilement nommer en comparaison de mon oncle ? Tous ces grands génies n'eurent jamais un sou de dette. Fin de la section 13, enregistrée par Ezoie en Belgique en mai 2010.